Chapitre 13. La cloche du déjeuner sonnait lorsque Henri entra au salon, où Salmeric causait bal et théâtre avec André, tandis que Passérieux faisait rire aux larmes Madame Passemard en lui racontant une de ses polissonneries qu'elle aimait et qui la faisait rougir, moitié de plaisir, moitié de honte. Le repas fut gai. Maxime parlait peu, buvait sec et riait épais chaque fois qu'un de ses amis ouvrait la bouche. Son père, qui croyait devoir à sa qualité de futur député de jouer à l'homme d'État, causait affaires étrangères avec Salbris, se déclarait partisan de l'union des races latines et demandait des renseignements sur le commerce d'exportation de la principauté de Monaco. Passérieux narrait infatigablement les menues anecdotes de la semaine. Le marquis de X avait paru en maillot rose, jupon de gaze blanche à la dernière fête donnée par son cercle, et danser avec beaucoup de grâce un des pas les plus difficiles de la Subra dans le ballet de Coppelia. Le baron X, qui portait un des plus beaux noms de France, s'était fait remisier de coulissier et s'époumonnait à hurler tous les jours de 2 à 4 sous le péristyle de la bourse « J'ai du Suez, je prends du Panama !» d'une voix aussi retentissante que celle de son glorieux ancêtre quand il criait « En avant !» à ses escadrons de cuirassiers sous le feu de la redoute de Borodino. La petite Margot, des Bouffes, avait fait et gagné le pari d'entrée à la foire de Neuilly dans la cage de Bidel. Elle avait même obtenu un grand succès en caressant la crinière noire de Sultan. Grisée par les applaudissements, elle avait alors dit en parodiant la voix et le geste de Sarah Bernard dans Hernani « Vous êtes mon lion superbe et généreux !» À quoi un des spectateurs avait répliqué en criant « C'est pas de jeu, il ne la mangera plus maintenant, c'est des carnassiers, pas des rongeurs !» Après le déjeuner, Maxime proposa à ses amis de visiter les écuries. Ils acceptèrent avec cet empressement que de jeunes sportsmen qui se respectent sont tenus de manifester chaque fois qu'il s'agit de rendre hommage au roi de la création, lequel n'est point l'homme, comme l'avait cru M. de Buffon, mais le cheval. Maxime les entraîna aussitôt et trouva une loquacité qui ne lui était pas ordinaire pour expliquer les perfectionnements introduits dans la disposition des boxes et des mangeoires, l'installation de la sellerie et 1000 autres détails dont la précision prouvait que ce jeune homme possédait dans toutes ses parties la science du palefrenier. Cette indisposition d'une des juments alsanes, un trouble intestinal, le préoccupait fort depuis 3 jours. Il n'avait rien trouvé, ni dans le manuel du parfait vétérinaire, son livre de chevet, ni dans ses souvenirs ou son expérience qui put conjurer le mal. Étonné, précisément, ils s'approchèrent, regardèrent et délibérèrent avec une gravité de docteur appelé en consultation. Muguet faisait bien un peu le dégoûté et le dédaigneux, tout en supputant la valeur de l'écurie à 50 louis près. Mais Loulou et Panonceau furent admirables de zèle et montrèrent une étendue de connaissances spéciales, une sûreté de diagnostic dans la recherche des causes, une ingéniosité dans l'indication des remèdes à employer, qui leur valut l'estime solide du cocher anglais, du groom et de tout le personnel britannique de l'écurie, réuni autour d'eux avec voix délibérante. Pendant ce temps-là, André causait avec Henri au salon. « Monsieur Mareuil, vous n'avez pas dit un traître mot pendant le déjeuner. « Vous non plus, mademoiselle, permettez-moi de vous le faire remarquer. Je m'ennuyais. Votre franchise me met à l'aise, moi aussi. Comment trouvez-vous les amis de mon frère ?»« Mademoiselle, je ne tire jamais le premier. » »« Un peu précieux, ça, vous savez. Eh bien, soit, je commence. La jovialité bourdonnante de M. Passérieux m'est odieuse. Ce gros garçon est le dernier des sots. L'avant-dernier seulement. Il ne faudrait pas décourager M. Derieux. » Est-ce que vous croyez vraiment celui-là aussi niais que son camarade? Mon Dieu, je ne pense pas que l'un ait un avantage appréciable sur l'autre. C'est un dead hit, comme ils disent dans leur jargon de course. Et M. de Salbris? Une nullité bien habillée, à ce qu'il m'a semblé. Je vous trouve sévère. Il a une jolie figure distinguée et cause fort agréablement. On l'apprécie beaucoup dans les salons. Toutes les femmes sont coiffées de lui. Elle pourrait l'être aussi par lui. Il a tout le physique de l'emploi. Des cheveux très pommadés, l'œil langoureux, je parierais qu'il chante à merveille la romance sentimentale. Vous savez qu'il ne s'appelle pas du tout Salbris et qu'il n'est pas plus baron que vous. Que m'importe? Si ça l'amuse, c'est bien inoffensif. Comment? Cela ne vous indigne pas de voir ainsi usurper un nom et un titre? Bon, il faudrait se fâcher trop souvent. L'indignation, la colère sont fatigantes. parce qu'elles veulent agir, manifester au dehors. Mieux vaut la quiétude intime du dédain. Je ne sache pas qu'aucune forme de la sottise ou de la vanité mérite autre chose. Le dédain est un spécifique souverain, mademoiselle. Il se suffit à lui-même. » Andrée resta silencieuse pendant une seconde, le temps de bien se pénétrer de la boutade, qu'elle trouvait piquante, et de la retenir sous la forme même dont il l'avait revêtue, puis elle reprit. « Vous avez beau dire, Monsieur de Salbris est un homme du monde. Je le préfère mille fois aux deux autres, et je regrette que tous les amis de mon pauvre Maxime ne lui ressemblent pas. Quel joli mari, fronceux, derrière et ce pas sérieux, n'est-ce pas? Est-ce au point de vue du mariage que vous les avez étudiés pendant le déjeuner? Eux, vous vous moquez, je pense. Ni cela ni personne, entendez-vous bien? Je sais quelqu'un de qui se m'offrait la joie et le désespoir. Ah oui. Il est longtemps que vous ne m'aviez parlé de Jacques. Pas depuis hier soir. Vraiment, vous êtes d'une conscience, d'un zèle admirable. Quel dommage que le prince de Monaco ne vous ait pas pris pour chargé d'affaires au lieu du baron. C'est votre spécialité. Je suis sûr que Salbris ne sait pas comme vous se dévouer corps et âme à une négociation laborieuse, harceler impitoyablement la partie adverse, la presser avec d'autant plus d'ardeur qu'elle met plus de soin à se dérober. Il n'y a qu'un malheur, monsieur Mareuil, spiritus flatubi vult. Traduisez comme vous l'entendrez. » Elle lança cette tirade d'une voix un peu âpre, mordante d'ironie, et c'est seulement au dernier mot que son irritation parut se fondre dans un sourire ambigu comme ses paroles. Henri restait debout devant une des fenêtres du salon, consterné par ce tour de violence qu'avait pris tout à coup une conversation commencée sur le ton du badinage. André le considéra un moment avec cette sorte de satisfaction qu'elle éprouvait toutes les fois qu'elle parvenait à déconcerter sa présence d'esprit et à faire acte de domination sur lui, voyant qu'il ne répliquait rien. « À tout à l'heure, » dit-elle. « Je vais rejoindre mon père, ma mère et ces messieurs dans le parc. Venez nous retrouver bientôt, si toutefois vous n'avez pas d'article à faire aujourd'hui. » Et elle sortit. Mareuil ne fit qu'un bond jusqu'à sa chambre, s'enferma à double tour et se mit à rouler des cigarettes, qu'il jetait dans la cheminée après quelques bouffées. Symptôme ordinaire d'une violente agitation chez les fumeurs. Il se promena ensuite, de long en large, pendant trois quarts d'heure, s'assit à plusieurs reprises devant sa table, trempa 20 fois sa plume dans l'encrier sans trouver à écrire autre chose que « Mon cher Jacques », et enfin s'étendit sur le canapé pour dormir. Il ne parvint pas même à s'assoupir un instant, se redressa en jurant, et pour rafraîchir sa tête alourdie, se plongea le visage dans la cuvette pleine d'eau. Puis il poussa les contrevents, qu'on fermait dans l'après-midi afin de tamiser l'éclat du soleil, et se mit à la fenêtre. Sur la pelouse, à quelque distance du château, Maxime, ses amis et André jouaient au croquet, et Henri, de son second étage, percevait le son mat que rendent les boules frappées par les maillets. Monsieur et Madame Passemard, assis sur un banc rustique, suivaient la partie et paraissaient prendre le plus vif intérêt aux exploits de Derieux. Sans trop savoir pourquoi, Mareuil tira les volets et se mit à observer par les interstices des lamelles. Il crut remarquer que 2 ou 3 fois André leva la tête et regarda dans la direction du château. La grosse voix de Passérieux montait par moments jusqu'à lui. « Bravo, loulou. À toi, Maxime. »« Raté, mon vieux. »« Allons, mademoiselle, au 3e arceau. »« Prends garde, tu vas montrer ton mollet, » criait Maxime à sa sœur. « Brute, va, » grommela Henri. Il se sentit envahi par une colère telle que, ayant quitté la fenêtre pour faire 2 ou 3 tours dans la chambre d'un pas saccadé, il prit sa canne qui traînait dans un coin et en déchargea un coup furieux sur le canapé. Un peu de poussière sortit du meuble et le jeune homme resta là, immobile, regardant sans penser à rien les atomes dorés qui dansaient dans un rayon tandis que sa bouche répétait machinalement « Brute, va !»« Brute, va !» Il revint à son poste d'observation. La partie était finie. À la prière de ses amis, Derieux procédait à quelques tours de force ou d'adresse. Il marchait sur les mains, soulevait une chaise avec ses dents et la faisait passer par-dessus sa tête, enlevait de terre Maxime et Passérieux, puis se mettait à courir autour de la pelouse en les portant. Ces exercices ne laissaient pas d'intéresser Mareuil, car l'âme, lorsqu'elle est profondément émue, s'efforce de trouver dans les circonstances extérieures, même les plus futiles, une diversion à ses soucis. Mais tout à coup, le jeune homme s'aperçut qu'André et Salbris n'étaient plus là. et il lui fut désormais impossible de prêter la moindre attention aux ébats athlétiques de Derieux. Il n'entendit pas Maxime dire à son père « Hein, papa, quelle performance !» sur le ton de la plus profonde admiration. Il ne vit point pas sérieux traîner Loulou, qui résistait mal, vers Madame Passemard, et contraindre cette mère de famille, effrayée à tâter, en poussant de petits cris de surprise et de pudeur, le bras noueux de Derieux et son poignet où les tendons saillaient sous la peau comme des cordes de violoncelle. Mareuil s'absorbait dans cette pensée unique. Où sont-ils ? Et repoussant violemment les volets, qui l'empêchaient de bien voir, il tâcha de les découvrir. Il fouilla du regard, avec une singulière acuité, les taillis où serpentent de petits sentiers ombreux, les allées bordées de hêtres et de charmes, la grande avenue qui s'allonge dans la direction de la forêt entre deux rangées de platanes. Une phrase d'André susurrait dans sa mémoire, avec l'importunité irritante d'un bourdonnement de moustique. « Il a une jolie figure distinguée et cause fort agréablement. » « Qu'est-ce que vous regardez donc comme ça, monsieur Mareuil ?» lui cria d'en bas monsieur Passemard. « Venez donc nous rejoindre. Nous descendons à la Seine. Ces messieurs vont se baigner. Venez, venez !» Le son de cette grosse voix méridionale, qui roulait les airs comme les gaves des Pyrénées roulent leurs galets, eut pour effet de produire dans tout l'être de Mareuil une sorte de détente. Il passa la main sur son front et fut tout étonné de le trouver brûlant. « Allons, pensa-t-il, le sauterne de ce matin m'a fait mal. Décidément, je ne porte pas bien le vin blanc, il faut se secouer. » Il prit son costume de bain et le roula dans un peignoir. À ce moment, il aperçut au fond du parc André et Salbris qui traversaient une allée. Il les suivit un moment du regard, les sourcils un peu froncés, puis détourna les yeux, haussa les épaules dédaigneusement, et mettant le paquet sous son bras, il sortit en disant « Ah, par exemple, c'est trop bête. Après tout, qu'est-ce que cela me fait ?»